C'est voilà, c'est une chanson pour les plus que quadragénaires. Et c'est pas facile à jouer en fait, il faut chanter en même temps qu'on joue du piano. Il y a des paroles là-dessus. Bonsoir à tous, les enfants petits et grands. On m'appelle Arcos, comme c'est amusant. Je suis satellite et j'observe les animaux. Voyez comme c'est rigolo. Le long du cou de la girafe, je glisse. Arrivé en bas, l'éléphant me hisse. L'hippopotame me fait voir toutes ses dents. À moi, Arcos, l'observant. Et avec l'autruche, quand je cours, c'est amusant. Et sur le chameau, ah, quel toboggan. Devant le lion, qui n'est pas toujours content, je prends la vie en chantant. Je prends la vie en chantant. Merci. Merci pour les chœurs, hein. On n'a pas répété. Les basses. On n'a pas répété les basses, belles basses. Hein. Ouais. Pom, pom, pom. D'accord. C'était donc les animaux du monde. Oui, les animaux du monde. Je m'en souviens quand j'étais petit, on regardait ça à la télévision, les animaux du monde. Voilà, tous les dimanches, hein, c'était quelque chose comme ça. Ouais. C'était formidable. Bon, les animaux en chantant, non. J'ai l'impression que les animaux ne chantent plus beaucoup. Et il y a une raison pour cela, c'est qu'en ce début de 20e siècle, de 21e siècle même plutôt, la biodiversité ne se porte pas très bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais en 40 ans, 60% des vertébrés ont disparu. 60% des vertébrés ont disparu en 40 ans. Leurs habitats se raréfient. C'est le développement des activités humaines, et bien sûr, qui est à l'origine de ça. C'est aussi le changement climatique qui ajoute une pression supplémentaire. Alors, si on veut protéger la biodiversité, on a besoin de savoir où elle se trouve, évidemment, dans quelle zone il y a les nidifications, les rassemblements, les migrations, etc. Eh bien, pour avoir cette donnée essentielle, cette information essentielle, on a besoin de balises Argos. On a développé ce moyen extraordinaire que sont les balises Argos. C'est l'information qui est fournie par elles. Et ces balises Argos, ce sont vraiment des appareils absolument étonnants. Ils ont été lancés pour la première fois il y a environ 40 ans. Ils ont connu des évolutions extrêmement importantes. On va en parler. Et aujourd'hui, ils rendent un service extrêmement important. Et ils vont connaître de nouveaux développements remarquables. On va en parler. D'ailleurs, on devait en parler au Bourget. On va voir si on en a parlé au Bourget, là, parce que c'est le salon du Bourget en ce moment. En tout cas, pour parler de ces balises qui sont si utiles à la biodiversité, on a vous pour poser vos questions, pour réagir. Et puis, on a nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Éric Luvisuto et Aline Duplat. Bonjour à tous deux. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes? Tenez, Aline Duplat. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Aline Duplat. Je travaille chez CLS, ça veut dire collecte et localisation par satellite, à Toulouse. Vous allez vite vous en rendre compte dans mon accent. Je suis responsable de l'application du suivi des animaux avec Argos. Donc quand quelqu'un veut suivre un animal, eh bien, il s'adresse à nous et nous essayons de comprendre l'objet, je dirais, de son étude pour pouvoir l'orienter au mieux vers le constructeur de balises qui répondra le mieux à, je dirais, aux objectifs de son étude. Voilà. Voilà, donc CLS, hein, vous êtes donc responsable du suivi des animaux chez CLS, et CLS est un petit peu une société qui est experte justement dans tout ce qui est collection, comment est-ce qu'on dit d'ailleurs, la collecte, et la transmission des informations, le traitement des données. Ça, c'est CLS qui sait très bien faire ça depuis très longtemps. Et puis à votre côté, Éric Luvisuto. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Éric Luvisuto, je travaille au CNES depuis un certain temps. Et je suis en charge donc du programme Argos, programme collecte de données, mais donc c'est le programme Argos. Je travaille dans une direction qui s'appelle la direction de l'innovation, des applications et de la science. Voilà. C'est une nouvelle direction. Oui, le CNES, comme toutes les infrastructures, se réorganise régulièrement pour s'adapter aux changements. Exactement, voilà. Donc on va encore plus parler d'innovation grâce à cette direction au CNES. Aline Duplat, je disais qu'effectivement la biodiversité souffre en ce moment. On peut dire ça ? On peut dire ça, mais on fait tout ce qu'il faut pour essayer d'apporter des solutions, de permettre aux scientifiques d'anticiper des problèmes, de prendre des décisions. Je pense aux aires terrestres protégées, ou aussi aux AMP, aux aires marines protégées, qui permettent à des espèces un petit peu sensibles d'évoluer dans un cadre qui soit protégé par des limites géographiques qui leur permettent de vivre, de se reproduire et puis d'essayer d'éviter les affres des dangers humains ou d'autres prédateurs. Alors l'homme, ses activités sont en train de se développer, il prend de plus en plus de place. On va être 9 milliards en 2050, on a le changement climatique par-dessus, le braconnage, enfin tout ça met une pression extrêmement forte sur toute la biodiversité. Connaître où se trouvent les animaux au cours de l'année, c'est une donnée importante ? Oui, bien sûr. Savoir où se trouvent les animaux, c'est une donnée très importante, mais ce qui est très important aussi, c'est de savoir... quelles sont leurs difficultés, à quoi ils s'exposent. Par exemple, dans des zones géographiques pas tellement faciles, par exemple en Arctique, ou dans une province de l'extrême sud-est de la Russie, où le lichen se fait rare à certaines périodes de l'année, eh bien, ce qui est important de savoir, c'est où se trouvent les troupeaux de mammifères. Mais là, je pense aux rennes, parce qu'en ce moment, on travaille un petit peu sur les rennes en Russie, afin de pouvoir les déplacer, aider les éleveurs à les déplacer pour qu'ils puissent trouver du lichen qui se trouve sous la neige et pouvoir se nourrir. Ce qui est important de savoir aussi, c'est comment ils gèrent leur migration. Alors, non seulement vous suivez les animaux avec Argos, mais en plus on sait à peu près déterminer où doit se trouver le lichen, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? C'est pas avec Argos là pour le coup. Pas tout à fait, mais si on fait la jonction avec d'autres données spatiales, comme des données optiques, et par des nouveaux satellites qui ont été récemment, des satellites européens qui ont été lancés, on peut faire la juxtaposition des deux données, c'est-à-dire où se trouve l'animal et dans quelles conditions, je dirais, de végétation il habite, de manière à pouvoir anticiper, essayer de corriger les problèmes d'autonomie de nourriture. On peut faire ça, oui, bien sûr. Alors, Eric Louis-Souto, pour suivre les animaux, les troupeaux, etc. On a inventé la balise Argos. Enfin, la balise Argos, elle ne sert pas que à ça, mais elle sert entre autres à ça. Le système Argos date début des années 80. Donc, il est essentiellement dédié à toutes les activités environnementales. Mais environnemental, ce n'est pas que les animaux. C'est aussi l'océanographie, c'est aussi la surveillance des pêches. Donc les balises Argos, on en trouve sur les animaux, donc vous avez plein de photos qui montrent diverses applications des animaux, mais on en trouve aussi sur des bouées dans l'océan, des bouées de surface, des bouées qui descendent jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour mesurer des profils de température, qui ressortent et qui renvoient les données aux satellites. On en trouve sur les bateaux de pêche, ce qui permet, donc on équipe les bateaux de pêche de balises Argos, et donc les bateaux émettent régulièrement leur position. Enfin, émettent plutôt une fréquence et le système détermine la position, ce qui permet de savoir si les bateaux pêchent dans les zones autorisées ou pas. Donc plein d'applications. On peut revenir aux animaux donc. Alors sur les animaux, comment ça se passe ? Comment ça marche d'abord une balise Argos ? Alors, comment marche une balise Argos ? Donc Aline a porté plusieurs exemples. On va les voir après. Et vous avez les photos. On voit comment ça marche. Le système, effectivement, il y a une illustration en dernière page ou en avant-dernière page. Alors, c'est page 10. Si vous allez voir page 10 de votre petit livret, vous allez trouver notre illustration qui permet de comprendre comment fonctionne le système. Donc, les animaux sont équipés d'une balise. Donc, la balise émet régulièrement un signal qui donne, avec notamment son numéro propre qui est différent pour chaque balise. Donc chaque animal est identifié par un numéro spécifique. Donc la balise émet une fréquence, émet plusieurs fois la même fréquence. Le satellite qui se déplace reçoit l'information et en faisant des calculs, ce qu'on a par un système qu'on appelle l'effet Doppler, Donc l'effet Doppler, c'est... On va l'expliquer après, oui. Donc la balise, donc, elle la balise envoie cet identifiant. Émet son identifiant vers le satellite. Le satellite, par des calculs savants, détermine la position, collecte l'information qui est émise par la balise. Donc un certain nombre d'informations peuvent être émises, peuvent être envoyées. La température de l'animal, la position, enfin diverses choses. Ensuite, donc le satellite renvoie les informations vers des centres, des stations de réception, qui ensuite renvoie tout ça vers deux centres mondiaux de traitement, qui sont un à Washington, l'autre à Toulouse, dans les bureaux de CLS. C'est ce qu'on appelle les processing centers, voilà. Donc il y a 60 stations de réception, et il y a deux processing centers. Et ensuite, donc, les centres de traitement renvoient automatiquement l'information vers les utilisateurs, en fléchant, évidemment, chaque utilisateur reçoit l'information qui le concerne. Donc l'utilisateur, en l'occurrence, là, c'est par exemple le scientifique qui a envie de suivre ces oiseaux-là, qui a fait déposer ces petites balises. C'est lui qui a envie d'avoir l'information, et c'est à lui qu'on la lui envoie. Oui. Qu'on l'envoie. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose quand même. Comment est-ce que ma balise sait à quel moment envoyer l'information ? Parce qu'il n'y a pas toujours un satellite qui se trouve au-dessus de sa tête. Ouais, alors, la balise, il y a deux manières de fonctionner. Pour les animaux, la balise émet régulièrement l'information en se disant qu'un satellite passera au-dessus de sa tête. Et ça marche assez bien. Statistiquement, il y a une bonne chance. Et ça marche assez bien, puisqu'actuellement, on a 6 satellites qui sont lancés, équipés d'instruments Argos. 6. Il y en a 6 actuellement, ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un satellite qui passe sur une balise entre... Alors, au pôle, c'est très régulier. À l'équateur, c'est un peu moins. Et toutes les heures, 2 heures, il y a une balise qui passe... Il y a un satellite qui passe au-dessus d'une balise. Donc, en émettant régulièrement l'information, la balise est sûre d'être reçue par le satellite. Alors, ça, c'est un premier point. Donc, ce que vous avez dit, quelque chose de très important, la balise émet l'identifiant, mais elle est aussi capable d'émettre certaines informations additionnelles. Comme par exemple, si on a un petit capteur de température ou que sais-je, la balise est également capable de transmettre cette information supplémentaire. Oui, il y a un volume d'informations qui sont réservées à la partie spécifique recherchée, donc pour les animaux. Alors, je ne sais pas, moi j'ai la température, peut-être tu as d'autres... Aline Duplat. Pour les animaux marins, on peut parler de température de l'eau, bien sûr, de salinité, ça c'est une information importante. On peut parler de couleur de l'eau. Couleur de l'eau. Ouais. D'accord. Vous auriez un petit capteur sur la balise qui détermine. Ouais. À quoi ça sert de connaître la couleur de l'eau ? Voilà, c'est les scientifiques ont besoin de ça. Ah d'accord. Bon, enfin voilà, on voit des cartes très sophistiquées avec des couleurs différentes qui indiquent la température, la couleur de l'eau, la salinité. Sur les animaux terrestres, ce qu'on nous demande et on y travaillera dans le futur, c'est d'essayer de collecter de l'information sur la température du corps de l'animal, puisqu'un accroissement de température indique que l'animal a des soucis de santé, potentiellement a des soucis de santé. Donc on va travailler là-dessus, sur des programmes de santé animale. Vous avez dit que c'était le satellite qui déterminait la position de la balise ? Oui. D'accord. Alors contrairement au système GPS, donc quand on a un GPS, on a un petit récepteur qui calcule sa position à partir des signaux émis par les satellites GPS. Donc le récepteur reçoit des signaux émis par au moins 4 satellites GPS ou Galileo et détermine lui-même sa position. Pour la balise Argos, en fait, on peut considérer que c'est inversé. C'est la balise qui émet un signal et c'est le satellite qui calcule sa position. Et ensuite, le satellite continue sa course. Et quand il passe à Washington ou bien à... Vous m'avez dit quoi ? Des stations de réception. Stations, il y en a 60, vous m'avez dit ? Oui, il y en a une soixantaine dans le monde qui sont réparties le plus uniformément possible pour permettre de recevoir les données du satellite très rapidement pour que l'utilisateur les reçoive le plus rapidement possible. Alors, entre le moment où une balise transmet son signal à un satellite... Et le moment où ce signal arrive jusqu'au centre de traitement, combien de temps est-ce qu'il faut attendre ? Alors, entre le moment où la balise émet et le moment où c'est reçu, il faut entre... bon, Paul, c'est un peu plus rapide, entre, je dirais, entre une demi-heure et une heure et demie. Entre une demi-heure et une heure et demie, voilà. D'accord. Et le traitement, par contre, quand l'information est reçue dans les stations de réception, ça, c'est quasiment immédiat, et le traitement est fait... enfin, ils ont CLS, un centre de calcul qui est très, très, très puissant, donc ils arrivent à distribuer l'information de manière quasi instantanée. Alors, ce serait intéressant effectivement de comprendre comment, à partir d'un seul signal d'identification, la balise a dit je suis la balise 0X37, comment est-ce qu'à partir de ça, le satellite est lui capable de déterminer la position ? On y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'on peut entrer dans des histoires d'animaux avec vous, Aline Duplat je sais pas, vous avez pu voir le petit document ? Quelque chose qui vous fasse rêver. Par exemple. Bon. Le fait d'avoir des balises de plus en plus petites, mais on les fera circuler si vous voulez. Oui, bien sûr. Bon, on peut commencer là. Le fait d'avoir des balises extrêmement petites, en voilà une. Alors, par exemple, voilà une balise pour les oiseaux. Je vais la présenter. Qui pèse 5 grammes. Oui, c'est ça. 5 grammes. Et la partie sombre dessus, c'est le panneau solaire. Donc il y a un panneau solaire là, oui, exactement. Qui permet à la balise de se recharger. Donc, dans le meilleur des cas, et s'il n'y a pas d'accident de parcours, on peut suivre une migration de longue durée. Donc, il y a un scientifique allemand a suivi des faucons, en anglais des hobby falcons, je crois que c'est des faucons pèlerins. Les hobby falcons, Falcon, qu'est-ce que ils c'est sont un là, hobby regardez. Il est là où il hobby. Mais oui, il est là, il est tout la mignon. La femelle, elle pèse 225 grammes. Je sais voilà, qu'elle c'est pèse page 7. Page 7, voilà. C'est le falco subuteo de son nom lui. Latin. Voilà. Et en fait, on savait très peu de choses sur ce faucon. On ne savait pas comment il évoluait. On ne savait surtout pas où il passait les hivers, nos hivers européens. Et en fait, quelques-uns de ces faucons ont été équipés en Allemagne. Et on s'est rendu compte qu'ils allaient très loin. Ils allaient jusqu'en Namibie. Ils passaient beaucoup de temps, de longs mois, en Namibie. On a trouvé leur zone de nidification, leur zone de reproduction, avec cette toute petite balise qui perd 5 grammes, qui pèse 5 grammes. C'est pas gênant là, pour l'animal Non, parce qu'il a, il est, c'est comme un sac à dos. Parce en que fait. C'est pas lourd, mais c'est non, long. Non, on lui met ça comme un sac à dos autour comme du corps, petit sac à dos, en passant sous les ailes. Ah oui. Autour du thorax. Mais il y a une règle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas équiper un animal. La balise ne doit pas excéder 3% du poids de l'animal. Donc la petite femelle qui pèse 225 grammes, elle supporte la balise 5 grammes. Pareil pour tous les animaux, pour les marins, pour les terrestres, pour tous les animaux. Eric Louis-Souto me dit que c'est la même chose avec les gamins à l'école, c'est ça ? Il ne faut pas que le cartable fasse plus de 3% du poids du gamin, d'accord ? Voilà, on a appliqué la même règle. Et alors du coup, là c'est une histoire intéressante parce que le scientifique a permis, vous avez la carte là que l'on voit, bah oui. sur la migration, il y a des... non, ça c'est les cigognes. Alors il y a des zones en Namibie, dans la partie sud-est de l'Afrique, où ces petits faucons ont décidé de passer leurs hivers. Ils remontent ensuite en Europe, et pour certains d'entre eux, nous en sommes à la 5e migration. Donc là, nous avec toujours la même temps. Balise ou il a fallu changer non, la balise non, ah, bon, non, il n'y a pas eu d'accident. C'est-à-dire, le faucon n'a pas été tué par un chasseur. Il n'a pas perdu sa balise parce que malheureusement, il peut perdre sa balise. Il peut la perdre parce qu'elle peut avoir été mise de manière trop lâche sur son corps et par le il va peut-être grandir aussi, non ils sont, il a peut-être on les met sur des adultes, oui. Il s'est passé. Enfin, voilà, il y a des balises qu'on ne retrouve pas. Hein. C'est quand même un investissement assez lourd. Ça coûte combien une balise comme ça qui ça pèse 5 grammes c'est la plus chère. C'est la plus chère Tout ce qui est petit est cher. Voilà. Dit Eric Louis-Souto. C'est comme les pierres précieuses. Ah, c'est comme les pierres précieuses, oui. Alors, elles coûtent 5 000 $. Ça, c'est 5 000 $ oui. Ah, ben, je vais la reposer alors. D'accord, 5 000 $ ça. Ça fait 1 000 $ du gramme. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. D'accord. Et donc, il y a une autre histoire assez intéressante, c'est qu'il y a un oiseau en Europe qui a une réputation qui n'est pas forcément très sympathique parce qu'il s'installe dans les nids des autres, les femelles pondent dans les nids des autres, elles se débrouillent pour évincer tous les autres oiseaux qui occupent le nid, ce sont les coucous. Et les coucous font ça. Bon, ça c'est une habitude, on ne sait pas où vont les coucous et on ne sait pas d'où viennent les coucous. Ah oui. Et les coucous sont petits. D'accord. C'est très petit un coucou. Ah oui. Ça fait du boucan quand même, parce qu'on les entend dans la forêt, oui. Oui, et puis c'est surtout, les femelles se débrouillent pour pondre dans les nids des autres. Elles se débrouillent pour faire couver par d'autres oiseaux. Et après, elles s'en vont. Voilà. Et donc, grâce à cette balise Ingram, il y a un réseau en Europe qui s'est constitué entre la fac de Copenhague au Danemark, une université en Espagne, c'est Valence, voilà, entre l'équivalent du CNRS en Allemagne qui s'appelle le Max Planck Institute. Et puis, quelques Français ont fait des coucous, mais peu de Français ont étudié les coucous. Et surtout le BTO. Le BTO, c'est le British Trust Ornithology en Angleterre. Il y a une mode du coucou en ce moment. C'est la coucou fashion. Ah, la coucou fashion, c'est d'accord. La coucou fashion en Europe. Il faut savoir que depuis peu de temps, depuis qu'on a cette balise, on sait beaucoup de choses aussi sur les coucous. Et il y a un blog qui a été créé. Les Anglais sont très, très habiles pour rechercher des fonds. Ah oui. Ils ont fait un blog avec des prénoms de journalistes. Ah d'accord. Ah oui. Et donc les gens qui ont envie de sponsoriser un coucou, ben, passent par ce système. Et là aussi, il y a beaucoup de données qui ont été recueillies. Et nous en sommes à la 7e migration de ce groupe de coucou. Ah oui. C'est vraiment intéressant. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut pas les faire passer quand même cette... ah, on peut même la faire passer. Elle marche pas. Non. Elle marche pas, oui, pas d'accord. Donc, je la fais passer. Voilà. Vas-y, prends-la. Les coucous. Ah, les coucous, Xavier. Les coucous, c'est bien, les faucons, mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était quand même les rennes. Ah, d'accord. Parce que, il faut bien dire que petit papa Noël, tu peux plus voler dans le ciel. Tes rennes sont bien trop affamées, leur lichen commence à manquer. Bien heureusement, l'espoir peut renaître, car il y a en Occitanie une femme chercheur qui, de tout son être, va pouvoir leur rendre la vie. Petit papa. Par milliers, Aline, tu dois la remercier. Ah bah oui, quand même. Alors, on peut parler technique, on peut parler animaux. Voilà, on a vraiment deux intervenants extrêmement complémentaires. Qui a envie d'ouvrir le bal ? Des questions, des commentaires, des avis, des histoires personnelles. Je viens jusqu'à vous, je vous passe le micro, et puis on discute ensemble. Bonjour, je voulais savoir si on avait déjà utilisé les balises Argos comme, pour utiliser les animaux comme vecteurs un peu, pour par exemple, j'en sais rien, cartographier la Terre, par exemple pour trouver la température dans les mers, et les utiliser vraiment comme un vecteur pour nous plus que pour eux. Pour sonder l'environnement. Donc en fait, on se rend compte que les animaux sont des marqueurs du changement climatique. C'est-à-dire que, par exemple, les tortues, le parcours des tortues qui se déplacent, qui traversent les océans, en fait, elles suivent des fronts particuliers de température de l'océan, là où se trouve leur nourriture, qui est du plancton et qu'on ne sait pas détecter. Et on se rend compte qu'en fait, au fil des années, le parcours des tortues évolue, parce que les tortues vont où il y a de la nourriture, le plancton se déplace, et donc les fronts d'eau chaude et froide se déplacent, et donc on peut, comme ça, faire des cartographies de la température marine. Voilà. Autre élément aussi, ce sont souvent les oiseaux qui sont porteurs d'épidémies, et donc ça permet de pouvoir revenir au patient zéro, comme on dit, essayer en tout cas, pour des épidémies comme la grippe aviaire. Alors expliquez-moi ça. Il y a une épidémie, et à quoi sert la balise, là, pour le coup ? Racontez-moi un scénario, là. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des épidémies qui sont des épidémies... Par exemple, la grippe aviaire qui est détectée dans certains pays, qui est portée par des oiseaux. Si on a eu la chance, évidemment, avant d'équiper ces espèces d'oiseaux, on peut déterminer leur parcours migratoire et dire d'où est venue, en fait, l'origine de l'épidémie. D'accord. Et donc ça c'est utile parce que ça veut dire qu'il y a un foyer là qu'il faudrait peut-être traiter ce genre de choses-là. Alors, j'imagine que c'est ce que font qu'est-ce qu'on en fait, voilà. C'est ça, oui, alors ça, il faut demander aux scientifiques, mais de ce que je comprends, c'est que quand on a détecté l'origine du foyer, c'est plus facile à traiter. C'est sûr. Aline Duplat. Juste pour compléter ce que dit Eric, les gens de l'ONCSF, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en France, ont beaucoup de données, depuis un siècle environ, sur les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs de virus. Et en fait, ce qui les intéresserait, c'est très difficile à réaliser avec la technologie. Enfin, c'est pas que ce soit difficile à réaliser avec la technologie. Ce qui est difficile à réaliser, c'est d'être là au bon moment pour capturer un oiseau qui a un comportement erratique. Par exemple, en 2008, il a fait extrêmement froid. Et les canards, les colverts, avaient l'habitude de faire des migrations, mais... à une autre époque. Et au mois de février, ils ne soutenaient pas le froid. C'était dans un réservoir en Europe centrale, du côté de la Roumanie. Et du coup, ils ont tous décidé de migrer, mais vers le chaud, vers le Portugal, en fait. Et ça, c'est une migration erratique qui pourrait être porteur de vecteurs de maladies. Mais en fait, il faudrait savoir qu'ils vont démarrer. Il faudrait avoir des équipes prêtes pour les équiper, avoir des balises prêtes à fonctionner. Sur le plan de la logistique, ça demande... une préparation. Comme c'est une migration erratique, on ne sait pas quand ils partent. Et ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur les maladies. Vous avez l'impression qu'avec le changement climatique, on va assister à de plus en plus de modifications dans les mouvements migratoires ? Je dois parler bien dans le micro. Apparemment, oui. D'autres interventions ? J'avais une petite question. Est-ce que c'est les mêmes balises qui sont utilisées sur des bateaux de course comme durant le Vendée Globe ou des courses de la même sorte, en fait, pour aider les organisateurs à savoir où sont les bateaux durant toutes les courses. Est-ce que Eric Lovisuto, quand il y a un bateau en perdition, on dit qu'il a déclenché sa balise Argos ? Alors oui, ça, c'est ce qu'on dit depuis 30 ans, et ce n'est pas tout à fait exact. Et ce n'est même pas exact du tout. Voilà. On déclenche une balise qui fonctionne à la même fréquence et selon le même principe, mais qui s'appelle une balise Cospas-Sarsat. Cospas-Sarsat. Voilà, ce qui est un nom irretenable. C'est pour ça qu'on a préféré garder Argos. Voilà, mais on retient peut-être, les sauveteurs connaissent la balise 406, qui est la fréquence d'émission de la balise. Donc tous les bateaux et les avions sont équipés de balises Cospas-Sarsat. Donc ces balises se déclenchent automatiquement quand le bateau se retourne, quand l'avion se crache, ou sont déclenchées manuellement par les marins en perdition. Donc les balises ne fonctionnent qu'en cas de détresse, contrairement à Argos, où les balises fonctionnent tout le temps. Voilà. Et en ce qui concerne le Vendée Globe... Excusez-moi, c'est pas exactement le... Parce qu'il y a donc les balises au sol ou dans la mer, etc. Et puis dans le satellite, il y a ce qu'on appelle l'instrument. Et l'instrument Argos, c'est pas le même que l'instrument Cospas-Sarsat. C'est sur des satellites différents. Oui, alors ce sont deux instruments différents, mais qui souvent, parce qu'ils ne sont pas très gros, sont embarqués sur les mêmes satellites. Sur les mêmes satellites, d'accord. Voilà, et donc on fait vite l'amalgame. Là aussi. Voilà. Après, ce qui concerne donc les courses comme le Vendée Globe, donc ils ont les deux types de balises, les balises Cospas-Sarsat pour leur sécurité, et les balises Argos pour donner leur position au fil de la course. Donc historiquement, CLS équipe les balises du Vendée Globe, équipe la course du Figaro, équipe plusieurs courses. Donc il y a plusieurs, il y a quatre balises Argos ou quatre balises CLS, on va dire, sur un bateau de course. Il y a trois balises qui sont identiques et qui ont une durée de vie d'environ des batteries d'environ 60 jours. Et donc la direction de course, enfin l'équipe de CLS, indique au marin quand est-ce qu'il doit basculer d'une balise à l'autre pour être sûr qu'elle fonctionne tout le temps. Ensuite, il y a une balise qu'on appelle la balise de retournement, donc qui est une balise que le marin installe au fond du bateau, et donc du coup, quand le fond du bateau est retourné, c'est sur le dessus, pour que la balise puisse émettre vers le ciel et puisse recevoir le signal. Voilà. Alors ça, c'est les balises Argos historiques. Depuis deux Vendée Globe, je pense que depuis 2008 ou 2012, j'ai un petit doute. En fait, pour des raisons médiatiques, On a remplacé les balises Argos par des balises Iridium. C'est-à-dire que ce qu'on veut tous, c'est pouvoir avoir sur notre smartphone la position immédiate des bateaux. Et la balise Argos ne permet de donner la position des bateaux que toutes les heures à peu près. Et donc, pour pouvoir avoir des informations précises sur la position de chacun des bateaux, relative de chacun des bateaux les uns par rapport aux autres, d'une part, et d'autre part, pour avoir des infos au journal de 20h, parce que c'est là qu'on a envie de les avoir. Donc CLS équipe les bateaux de balises Iridium. Iridium est un système de télécommunication qui permet d'avoir l'information de manière instantanée. C'est satellitaire aussi, mais des... Alors, Iridium est un système satellitaire. C'est un système américain qui est composé de 66 satellites. Voilà. C'est ça la différence. C'est que des satellites, on en a en permanence au-dessus de la tête avec Iridium, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec, avec Argos. Exactement. D'accord. Donc, voilà, on ne déclenche pas sa balise Argos, on déclenche sa balise Cospas Sarsat. La balise Argos est une balise qui permet de suivre, qui fonctionne tout le temps. Et la balise Cospas Sarsat ne fonctionne jamais, sauf en cas d'urgence. Argos est un système qui est opéré, le service est opéré par un opérateur unique mondial qui est CLS. Le système Cospas Arsat est opéré par un peu plus de 40 pays dans le monde. Donc, ce sont des administrations. Donc, au niveau français, c'est le ministère de l'Environnement, avec notamment les CROSS en bord de mer et les RCC pour la partie pour les avions. Et donc le système Cospas Arsat a été créé dans les années 78 au moment de la guerre froide par quatre pays fondateurs qui sont la France, le Canada, les États-Unis et la Russie. Voilà. Et il y a une quarantaine de pays qui sont venus se greffer à ça. Et donc ça, c'est un système qui est gratuit et géré par les administrations de chaque pays. Alors, Cospas Arsat créé par quatre pays dont la France et Argos alors. Et Argos, aussi créé par la France d'ailleurs. Ouais, bah oui. Argos créé dans les années 78 par la France, par le CNES. En l'occurrence, Cospas Arts, c'est des affaires étatiques ou nationales. Argos, c'est plutôt des affaires d'agence spatiale. Donc Argos a été créé en 78 par le CNES et la NASA. Et ensuite, c'est la NOAA. La NOAA, c'est l'agence américaine gouvernementale de météo. Qui a poursuivi la coopération, est venu se greffer l'agence européenne de météo qui s'appelle EUMETSAT dans les années 2000, rejoint récemment par l'agence spatiale indienne qui s'appelle l'ISRO. Donc c'est quand même le CNES là, quand même, à l'origine, et la NASA hein, pour Argos. Oui, alors le CNES est à l'origine, et en plus le CNES est ce qu'on appelle responsable du système. C'est lui qui est responsable de la performance, qui dimensionne les différentes composantes du système. C'est le CNES qui fait réaliser les instruments dans l'industrie française. C'est le CNES qui conçoit le système, Argos. Oui, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. La NASA est un partenaire. La NASA envoie des satellites, fait en sorte que sur certains de ces satellites, on ait des instruments Argos, mais le système lui-même est conçu par la France. Absolument. Le système est spécifié par le CNES, avec l'aide donc des équipes de CLS, pour tous les aspects utilisateurs, des aspects balises. On va dire, la NOAA, EUMETSAT et l'ISRO ne font que, si je peux dire, ne font que fournir les satellites porteurs des instruments et les fusées qui permettent de lancer les satellites. Voilà, c'est ça. Donc c'est effectivement essentiel. Essentiel, d'accord. Mais ce n'est que ça. Monsieur ? Non, c'était monsieur alors. Bonsoir, j'avais deux questions pour Aline Duplain. En fait, je voulais savoir comment est-ce qu'on choisissait au final les animaux qu'on allait suivre. Donc là, on a l'exemple des rennes, des faucons. Pourquoi certains animaux et pas d'autres ? Et la deuxième question, c'était par rapport à la durée de vie des balises, parce que je pense que si la balise à 5 grammes coûte 5 000 $, on a envie qu'elle dure. Et donc voilà, c'était pour savoir ce qu'il en était à ce niveau-là. D'accord. Donc la première question, en fait, ce sont les scientifiques qui vont décider de l'objectif de leur projet. Je peux vous répondre en vous donnant deux ordres de grandeur, notamment pour les oiseaux. Donc il y a deux types de demandes. Et soit des scientifiques ou un ministère de l'Environnement ou une université ou le WWF va travailler à l'étude de la migration d'un animal pour pouvoir ensuite déterminer des actions de protection de cet animal. Par exemple, une aire marine protégée. Sur le petit fascicule, petit document, vous voyez la nidification des tortues. Alors, la nidification des tortues, c'est page 5. Et ça, ça se passe au Moyen-Orient. Et c'est le WWF d'Abu Dhabi. C'est page 5. Qui travaille avec une équipe de scientifiques du Sultanat d'Oman, du Koweït, de Dubaï, d'Iran et d'Arabie Saoudite. Et qui travaille sur un suivi de migration des tortues, qui est important. Il y a quand même 70 individus qui sont suivis, et ils en sont à leur cinquième année. Et ça, c'est dans un but de protection. Ou alors, il peut y avoir des études courtes pour connaître un comportement temporel, et qui va, par exemple, je vais vous donner un exemple, au Maroc en ce moment, il y a un centre de reproduction des outardes, qui est assez, on va dire, assez important. Alors, ce sont des oiseaux. Hein. Ce sont des oiseaux, de très beaux oiseaux d'ailleurs, qui sont souvent utilisés pour la chasse des émirs, mais qui migrent aussi beaucoup et qui ont leur vie. Alors il y en a une, page 3, oiseaux. Une outarde. Oui, c'est ça. C'est en haut à droite. Oui. Vous avez une outarde qui est en plein outarde, vol. Oui. En haut à droite. Et en fait, il y a tellement longtemps que ce centre de reproduction d'outardes utilise le système Argos pour les suivre, pour les connaître. La demande maintenant est extrêmement précise. Elle consiste à suivre la femelle qui amène les petits oisillons outardes quand ils sortent du nid. Elle leur apprend à se débrouiller, à se nourrir, et après ils vont s'envoler. Et c'est un laps de temps très court qui dure entre 3 et 5 semaines. Et justement, comme disait Eric avant, les données GPS sont très utiles parce qu'ils vont chercher à avoir des données extrêmement fréquentes et précises qui sont ensuite envoyées par le système Argos. Donc là, c'est un exemple d'une utilisation courte du système. À l'opposé, une migration, ça peut être quelque chose de long. Mais in fine, c'est toujours le scientifique qui décide, hein, parce que les données lui appartiennent, c'est lui qui travaille avec. Voilà. Donc, vous êtes responsable du suivi des animaux à CLS. Vous êtes justement, vous faites l'interface entre les utilisateurs et puis justement la fabrication de toutes ces balises. Donc, ce sont des scientifiques qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, moi je suis spécialiste de l'otarie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai besoin de savoir où elles vont, etc. Ouais. Hein? Oui, c'est voilà. Ça. Okay. Alors, la durée de vie, effectivement, le coût de la balise a un impact important sur. Je dirais sur le choix de la quantité, sur le budget, parce que beaucoup de gens sont obligés de faire appel à des recherches de financement. Beaucoup de gens font, beaucoup de scientifiques font beaucoup d'efforts. Alors là, la durée de vie, c'est à nous à conseiller au mieux les futurs utilisateurs. Bon, quand c'est quelqu'un qui utilise le système Argos depuis longtemps, il sait ce qu'il veut faire avec. Et souvent, il a l'habitude d'acheter ses balises chez un constructeur particulier. Vous voyez, celle-là, par exemple, que vous regarderez après, ce sont des balises pour suivre des animaux marins. Alors, celle-là, elles viennent de chez Wildlife Computers. Elle est plus lourde, celle-là. Oui. Peut permettre, elle est utilisée pour suivre des pingouins en Arctique, en Antarctique aussi. Elle est pour des oiseaux marins, pour des animaux marins. Bon. Après, charge à nous de conseiller un nouvel utilisateur vers la meilleure solution pour lui, sachant que le critère numéro 1, c'est le poids. Si l'utilisateur veut beaucoup de données en peu de temps, on va l'orienter vers un système GPS Argos avec des batteries. S'il veut beaucoup de données sur une durée très très longue, le plus longtemps possible, parce qu'il en veut pour son argent et qu'il ne connaît rien sur l'animal, sur les déplacements de l'animal, on va l'orienter vers un système de Doppler avec souvent des panneaux solaires qui permettront à la balise de se recharger plus souvent. Donc c'est le cas, là par exemple la petite balise de 5 grammes, elle a un petit panneau solaire. Hein. Très petit, oui. Ah, tout petit, oui. Mais qui peut quand même lui permettre de vivre pendant 5 ans. Donc c'est quand même puissant, c'est très puissant comme système. Voilà. veux être à la mode, t'as ton site internet, t'as ton blog. T'es parisien, mais t'as ton compost, t'achètes et tu fais livrer par la poste. Tu fais des cultures sur ton balcon, ton épouse est députée Macron. La classe. Il te manque un truc, mon chou, un truc de fou. Il te manque un truc fashion qui explose tout. Tu peux donner ton nom et ça c'est fou. Tu peux donner ton nom à un coucou. Ça c'est la classe. Ça c'est vrai, c'est la classe. La grande classe. Bonsoir. Donc vous nous avez montré une donc, toute petite balise. C'était pour savoir si en termes de taille, il existait ou dans le futur, vous pourriez créer des balises encore plus petites, par exemple pour suivre des migrations, des chauves-souris ou à la limite même, pourquoi pas, des lépidoptères, puisqu'on sait que certaines espèces peuvent migrer sur des milliers de kilomètres et c'est vrai que c'est quand même des espèces particulièrement petites. Donc savoir si c'était envisageable ou pas. La réponse est oui. D'ailleurs, en ce moment, il y a une balise qui a été testée. Ça veut dire que les constructeurs, en fait, quand ils créent une nouvelle balise, ils mettent beaucoup de temps pour travailler avec cette balise sur le terrain. Ils mettent minimum 12 mois avant de pouvoir la proposer à des futurs utilisateurs pour qu'elle parte sur des animaux. Donc la réponse est oui. C'est-à-dire le constructeur qui a construit cette balise 5 grammes vient de mettre sur le marché une balise qui pèse 2,9 g. On va dire qu'elle pèse 3 g ah avec oui. Le fil, le harnais. Ouais. Et elle ressemble beaucoup à celle-ci. Elle a aussi un panneau solaire. Elle est très, très petite. Je n'ai pas mis mes lunettes. Donc, ça veut dire que grâce... Excusez-moi. Alors, Aline Duplat met ses lunettes. Voilà, ça veut dire qu'en fait, cette balise qui est maintenant sur le terrain va permettre... de suivre, alors où sont les espèces? C'est ça, c'est 2600. Hein. Le total est de plus de 1000 espèces en fait, nouvelles, principalement. 1000 espèces nouvelles. Des petits passereaux voilà, qu'on ça. Ne connaît pas, qui sont extrêmement petits et qui pourront supporter une balise qui pèse 3 grammes. Donc là, c'est la dernière née. À chaque fois aux États-Unis. C'est Eric Levisuto qui m'a dit qu'à chaque fois que. On gagne un gramme ouais. En balise, on peut toucher 1000 espèces supplémentaires. Un gramme, c'est énorme. Hein. On divise par deux le poids. Ah, quand on divise par deux le poids, on touche 1000 espèces supplémentaires, d'accord. D'autres interventions? Sinon, est-ce qu'on pourrait faire peut-être... Oui, je vous en prie, avec Louis Sto. Ce qu'on peut dire également sur les balises, Aline a indiqué le coût des balises est très élevé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent des fabrications artisanales et elles sont toujours adaptées au porteur, à l'animal, à la bouée, et donc elles sont toujours très spécifiques. Donc c'est pas du prêt-à-porter. C'est toujours des petites séries ouais. Et chaque fabricant a sa recette pour fabriquer l'ensemble de la balise, mais y compris le cœur. Il y a combien de fabricants en tout ? Il y a une vingtaine de fabricants dans le monde dans à le peu monde, près. Ouais. Voilà. Il y a actuellement plus de 20 000 balises en fonctionnement. Plus du double qui sont actuellement en service. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, plus de 1 000 euros et jusqu'à 5 000 euros pour une balise, c'est très cher. Et les scientifiques, du coup, ne peuvent équiper que quelques animaux. Donc, ils ont un suivi. Il suffit que l'animal, se perde ou soit capturé et ils perdent l'information. Plus c'est petit, plus c'est cher. Non, parce qu'après les balises pour les requins, j'imagine qu'elles sont aussi les balises chères, étanches. D'accord. Et puis comme il faut harponner le requin pour y mettre la balise, des fois on loupe si on le harponne pas bien, on le loupe. D'accord. Et donc on a eu l'idée donc au CNES avec CLS de développer une puce, un chipset spécifique qui soit le cœur de la balise, qui permette de réduire drastiquement les coûts de fabrication des balises. Donc alors ça, c'est une des grandes informations qu'on voulait développer ce soir. Hein. C'est une des grandes. Ça va permettre un développement gigantesque. Donc, c'est une réduction du coût de la puce donc, qui est le cœur de la valise. On est en train de développer. On a développé. C'est déjà fait. C'est un industriel belge qui a fait ça avec CLS comme responsable de la définition. Qui a défini et qui va fabriquer donc le chipset, la puce, qui pourra être vendue au fabricant. Donc la puce vaudra ou sera vendue quelques euros, ce qui permettra d'avoir des balises avec un coût bien moins cher. Moins cher ? On imagine, alors c'est les fabricants qui vont décider, et après, voilà, il y a la concurrence. Donc on imagine que le coût devrait être divisé par 10, quoi. Le coût devrait être divisé par 10. Oui. Ça, c'est un saut énorme. Oui. Et du coup, c'est très, très intéressant pour les scientifiques. Ah oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'avec la même somme d'argent, ils vont pouvoir équiper 10 fois plus d'animaux ? Exactement. Au lieu de suivre 4 ou 5 oiseaux, ils vont pouvoir suivre une volée complète. Et donc, ça va leur donner des informations sur les migrations. Mais aussi, ils s'intéressent de plus en plus. Peut-être que je vais te laisser, parce que Aline connaît bien mieux ça que moi. On s'intéresse aussi aux zones locales de vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut plus d'informations. Je te laisse. C'est tout à fait ça. Il faut plus d'informations parce qu'on s'intéresse non pas seulement aux migrations, mais aux zones locales de vie. C'est ça que tout disait Eric Luisuto. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais des femelles outardes qui apprennent aux poussins à vivre, juste avant que les poussins ne quittent le nid et volent, il y a une phase là où les gens qui travaillent sur cette espèce ont besoin de beaucoup d'informations, comme disait Eric. Et donc là, il faut que le système soit capable de le fournir. Je voudrais juste... Beaucoup d'informations sur un petit périmètre, c'est oui, ça ? Donc, oui. C'est des déplacements assez fins, ce n'est pas juste des migrations sur des milliers de kilomètres. Pas du tout. C'est-à-dire à partir du moment où les oisillons quittent leur nid et qu'ils sont dans un environnement de sable, comment ils se comportent dans le sable, comment ils font pour survivre, quelle nourriture ils vont trouver, est-ce qu'ils suivent leur mère, en fait, toutes ces choses-là sont des informations qui sont très importantes. Et pour illustrer ce que vient de dire Eric sur le chipset, je peux vous donner un petit exemple qui va permettre d'une part de bien réduire le coût de la balise pour que davantage de travaux soient conduits. Parce qu'en France, il y a beaucoup de petits labos aussi. Il n'y a pas que le SNRS, il n'y a pas que le WWF. Il y a plein d'universités qui ont des petits labos et des petits budgets. Donc, il faut les adresser. Et il y a aussi, comme partout, la concurrence qui existe et qui est là. Et la concurrence d'Argos, c'est quand même le système GSM. Il y a des balises. GSM. Qui d'accord. Existe. Donc le téléphone portable, hein, pour tout le dire à fait. Vite. Voilà. Mais le GSM a une contrainte, une faiblesse par rapport au système Argos qui est global, qui voit toute la planète, c'est que le GSM, par exemple, ben, quand il n'y a pas de réseau ou d'antenne, au-dessus relais. Des mers, par exemple, ben, il n'y a pas de données. On ne sait pas où est l'oiseau. Et puis après, quand il y aura du réseau, ils vont à nouveau pouvoir obtenir des données. Donc, il y a, au mois de mai, donc c'est très récent, il y a une toute petite start-up espagnole qui est venue vers CLS et qui fait des balises GSM parce que nos amis les Espagnols, en Europe, ont été les premiers à utiliser le système Argos pour suivre des rapaces. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs nationaux, de parcs naturels en Espagne. Et c'est une toute petite start-up qui a décidé d'intégrer le chipset Argos dans des balises GSM. Ça, nous sommes ravis parce que le satellite va venir compléter les zones qui ne seront pas lues. Donc c'est GSM, donc on utilise le GSM, on doit avoir une bonne précision, etc. Là où il y a du réseau, et puis là où il n'y a pas de réseau, on bascule sur le satellite. C'est le satellite qui prendra le relais. Et ça, c'est très positif parce qu'il va y avoir des balises, on va les appeler hybrides ou avec deux solutions, mais qui de toute façon seront moins chères pour l'utilisateur. Un petit mot quand même, Eric Luisuto, sur ces nouveaux chipsets moins chers. Il a fallu combien de temps pour les développer ? On a lancé le programme en 2014. En 2014, donc c'est un financement européen. C'est l'Agence spatiale européenne qui finance ce programme. Mais l'Agence spatiale européenne finance les programmes de ce type sur budget nationaux. Donc, en fait, c'est la France qui le finance via le budget du CNES. Bon, voilà, c'est l'argent français. C'est l'argent français. C'est vraiment la France qui a la manœuvre. Hein, pour la partie CLS, parce que pour la partie belge, pour le fondeur de puces belge, c'est évidemment la Belgique qui finance. Madame. Et Michel, après. Bonsoir. Est-ce que vous arrivez à capturer tous les animaux? Comment vous procédez? Parce que les oiseaux, ça ne s'arrête pas comme ça, une baleine non plus. Donc, comment vous procédez? Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que à la longue, ça pourrait perturber le trajet des animaux migrateurs d'avoir cette petite balise sur le dos? Pour les oiseaux, ce sont les ornithologues, les scientifiques, donc, qui vont sur le terrain et qui les attrapent surtout avec des filets. Avec des filets, ou alors quand ils sont en période de nidification ou de reproduction, et quand ils sont sur des sites de des réservoirs, comme en Camargue par exemple, c'est dans des périodes très spécifiques de l'année qu'ils vont les attraper avec des filets. Les requins baleines, on en suit beaucoup au large du Qatar. Voilà. Les requins baleines, eux, ce sont des plongeurs qui vont descendre et avec un harpon, comme un fusil en fait, hein, qui vont harponner et qui vont mettre cette balise qui est plus robuste, qui est plus, je dirais, c'est une autre balise, mais enfin c'est toujours ça. Hein, pour, le requin aime bien, il est content, ça lui plaît. Il n'a rien dit. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. D'accord, tant mieux. Par contre, nous avons beaucoup de données sur les mouvements des requins dans la mer d'Arabie. Voilà. Donc, comment on attrape ensuite les animaux terrestres, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. On a un exemple d'animal marin à la page 2. Les éléphants de mer, regardez, on lui monte carrément dessus, là. Mais il faut attendre qu'il soit sur la plage, les scientifiques les capturent. Page 2. Parce qu'il est volumineux, l'éléphant de mer. Ah oui, ça, on peut dire. C'est un gros animal. Donc, il faut être plusieurs. C'est un peu compliqué. Là, parfois, on les endort, tout est prêt, évidemment. Les animaux ne sont pas là. On ne peut pas prendre rendez-vous avec un animal et lui dire... Oui, parce qu'en fait, il faudrait avoir une balise Argos pour savoir où ils sont. Mais justement, la balise Argos, on veut la leur mettre. Donc, on ne sait pas où ils sont. C'est une contrainte. c'est une question intéressante parce que le scientifique doit avoir préparé sur le plan de la logistique, sur le plan de la technologie, sur le plan... Si, par exemple, il travaille avec quelqu'un... beaucoup de scientifiques ont des gens qui font des thèses, qui vont faire une thèse pendant une durée donnée sur une espèce donnée. Et s'ils ont loupé pour une raison de capture, ça nous arrive souvent, hein, la bonne période, ouais. Eh bien, il faut attendre la saison. Là, en Turquie, par exemple, on devait suivre des oiseaux, et ben, les scientifiques, tout a été raté parce qu'ils pensaient qu'en passant une commande en avril, ils pourraient suivre leurs oiseaux au mois de mai. Mais c'est juste pas possible. Parce qu'il faut minimum, surtout en période de printemps et d'automne, il faut minimum 3 mois pour faire des balises compliquées comme ça. Donc en début d'année, beaucoup de gens préparent les migrations d'automne. Voilà. Ensuite, pour les gros animaux comme les rennes, comme les renards, les loups, les panthères, non pas les panthères, ces très beaux animaux blancs, là, les tigres russes. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Alors eux, on les endort. Comme les ours blancs. Les ours blancs, c'est les scientifiques qui ont réussi à les endormir. Vaut mieux. Oui, c'est ouais, plus. Ouais, ouais. D'accord. On est plus en sécurité. D'accord. Et alors, ça se passe bien. Bon, alors il y a une question là, mais peut-être qu'on peut quand même refaire un petit tour du côté des balises, parce que vous en avez apporté beaucoup. Alors il y a celle-là par exemple, c'est quoi déjà celle-là? Qu'est-ce que vous avez dit? Celle-là, c'est une balise, ah ben oui, c'est exactement. Ah ben c'est celle des éléphants de mer. Qu'on met sur les éléphants voilà. de mer, donc qu'on met sur cette taille d'animal. Hein. D'accord, ben, on en a deux, c'est ça? Oui, celle-là, elle est un peu plus lourde. Elle va sur les pingouins empereurs, les plus gros D'accord. pingouins qui sont en Antarctique. Je vous fais passer. Je vous en fais passer une de ce côté-ci, une de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est les pingouins... Ok. Empereurs. Empereurs. Gros, hein. Alors ça, c'est donc les... Ça, c'est les requins, c'est ça? les requins, mais les thons. Pourquoi est-ce qu'elles ont des formes si variées là, les... Parce qu'après, cette balise-là, elle va être automatiquement détachée. Quand le scientifique, par exemple, a décidé qu'il voulait faire une étude qui durerait 3 mois, au bout de 3 mois, il y a un système automatique qui fait que cette balise se détache. Elle va elle arriver à la surface comment, de l'eau. Comment est-ce qu'elle est fixée là? Par un harpon. Ah oui. Dans le corps, mais le harpon, il n'est pas là. Oui, parce que je vois qu'il y a une espèce de petite boucle. C'est ça, cette boucle, c'est ah, oui. Il y a un filet, oui. Pardon, pas un filet, un petit câble ou quelque oui, chose comme ça, un fil. Oui, c'est d'accord. Ça. Jusqu'au harpon. Et donc après, ça flotte, ça, ça le suit, comme une sorte de poisson pilote. Tout à fait, d'accord. C'est exactement ça. Puis, quand l'étude est terminée, eh bien, elle va se détacher automatiquement, elle va arriver au niveau de la surface de la mer, et là, le satellite va passer au-dessus de l'antenne, et va recueillir toutes les données. Et ça peut être assez long. Hein. Ça peut durer jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, parce que cette balise a enregistré beaucoup de données sous l'eau, y compris des données de température. D'accord. Voilà. Alors, il y a celle-là aussi. 19 grammes et demi. 19 grammes et demi, pas mal. Celle-là, c'est 19 grammes et demi, voilà. Et celle-là, elle sert pour les outardes matures, les adultes. On peut la mettre aussi sur des canards, des oies. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on la fixe, celle-là? Parce que là, une partie toute plate, là, j'ai l'impression. Elle est collée. Elle est collée. On la colle à quoi, alors? Entre les ailes. Entre les ailes, d'accord. Mmh. Ah, il faut la mettre un petit peu haut, parce qu'il y a une contrainte, parce que parfois, les plumes ont tendance à recouvrir le panneau. Donc, il faut la mettre un petit peu en hauteur, voyez. Tandis que celle-là, la 5 grammes, elle est complètement plate. Alors, 5 grammes, celle-là, on la connaît, on l'a déjà vue, elle est passée partout. Et puis celle-là, alors? Celle-là, elle va sous l'eau. Ah, elle va sous l'eau, celle-là, oui. Oui, aussi. Oui, elle va sous l'eau. Alors, oui, parce qu'elle est comment dire, intégrée dans une résine, non? Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Comme ça, on est sûr qu'elle sera. Elle va sous l'eau. Alors, elle peut être. Étanche. Elle peut être sur des. Comment on appelle? Les phoques. Les phoques. En Russie, on suit pas mal de phoques. Les phoques juvéniles. Elle va sur des canards plongeurs. Les phoques. Elle va sur des petits animaux marins quand même, parce qu'elle est légère. Celle-là, elle est légère. Les tortues supportent de grosses, grosses balises. Hein. Alors, j'en ai pas amené. D'abord, j'en avais pas sous la main. Mais la plus grosse de celles qui circulent pour les pingouins empereurs, on peut mettre sur une tortue une balise beaucoup plus lourde, sachant que certaines tortues, les tortues imbriquées, elles peuvent peser très lourd, elles peuvent peser jusqu'à 500-600 kilos. Hein. Donc là, on peut mettre une, ah oui. une mais grosse... C'est quoi l'intérêt d'avoir une grosse balise? D'abord, c'est toujours la règle des 3% du poids de l'animal. Oui. Ensuite, il faut qu'il y ait une batterie qui soit puissante. Ensuite, Parce que là, du coup, oui, on a besoin d'une batterie. Il faut que l'antenne soit stable. Il faut que le satellite voie l'antenne. Donc, une toute petite balise. Une toute petite balise sur une énorme tortue, on va minimiser les chances de voir, l'antenne. Il y a une question derrière vous, et puis je ne t'oublie pas, Michel. Y a-t-il une conséquence sociale au niveau des congénères? Par exemple, Monsieur Canard qui a sa balise, est-ce qu'il est aussi sexy pour Madame Canard qu'un qui n'a pas de balise? Ouais, c'est ça, ça revient à la question du comportement de Madame. Quoi. Est-ce que ça a des conséquences? Qu'est-ce que ça lui fait comme effet, c'est ça? Vis-à-vis du groupe. Vis-à-vis du groupe, voilà. Est-ce que l'accueil est le même? Voilà. Alors là, je vais poser la question à des scientifiques. C'est vachement sexy. Parce que pour Eric Levisuto, lui qui est un ingénieur, il dit que c'est super sexy une balise Argos. Enfin, je vois pas le problème. Ça dépend parce que parfois, il y a des animaux qui sont très très sensibles aux odeurs. Sensibles aux odeurs. Aux odeurs. Ouais. Et s'il y a trop d'odeurs humaines qui a laissé des traces sur des plumes ou sur le corps d'un animal, ils sentent. Et là, effectivement, il peut y avoir un rejet. Un rejet, oui. Des gnous au Botswana, ils ne supportaient pas la balise, ils ne supportaient pas le collier. Ils se sont frottés le cou contre les troncs des arbres jusqu'à... Et pourtant, c'est costaud, c'est du cuir, hein, jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent. Les gnous. Les gnous n'aiment pas ça. Non. N'aiment pas l'argos, d'accord. Non. N'aiment pas le collier en cuir autour du cou. Vous avez un exemple aussi avec Louis-Souto? Alors, moi, j'ai pas discuté avec des scientifiques de ça, mais j'ai vu des images et des films de manchots. Et on voit effectivement des manchots qui sont équipés de balises, qui se déplacent au milieu de leurs congénères. On n'a pas l'impression, enfin en tout cas sur le film, et vu par un non-spécialiste, on n'a pas l'impression qu'ils sont isolés ou mis à part, quoi. Mais si, je pense quand même que si ça gênait et qu'on pouvait s'en rendre compte, les scientifiques feraient en sorte que, voilà, ça poserait évidemment un problème, puisque ce qui nous intéresse, c'est justement le comportement. Ce qu'on veut étudier, c'est le comportement, notamment migratoire, de ces animaux, leur déplacement. Donc, voilà, je pense que normalement, c'est que ça marche, quoi. oui, Marie-Claude. J'ai entendu qu'il y avait eu une étude sur les performances des animaux balisés, entre guillemets, et qu'ils étaient pénalisés par le poids de la balise et moins performants pour nager, pour voler, etc. J'ai pas les références. Je n'ai pas la réponse. Vraiment, je n'ai pas la réponse à ça. Peut-être que la balise était trop lourde pour eux. Peut-être. Parce que je sais qu'il y a des tests qui ont été faits sur des pigeons voyageurs, avec la balise qui pèse 19,5 grammes, celle qui va sur les outardes, c'était trop lourd pour eux. Et on leur a mis une balise 9 grammes. Et ouais. À 9 grammes, on a suivi, c'était dans le sud-ouest, dans la région de Saint-Gaudens, ils voyagent jusqu'à Bruxelles, ils reviennent. Bon. Ils mettent un jour pour faire Bruxelles. Bruxelles quoi? Le sud-ouest. Ah oui, pas mal. Ouais, et... Fort. Bon, ça s'est bien passé. Bon, on a l'ours polaire. Alors, elle est grosse, celle-là. C'est gros comme ça. Hein. Ça fait 30 cm, 40 cm. Oui, c'est quasiment 40 cm de diamètre. Elle est impressionnante. Vous voulez nous en dire un mot de cette balise ours polaire, Aline Duplat? Parce que là, on a l'antenne là, sur la gauche, c'est ça? Mais nous connaissons bien un constructeur russe qui, lui... construit l'antenne intégrée dans le collier. Ah oui, c'est pas mal ça. Parce que ça peut s'attraper dans les branches, oui. Ou ce genre de choses. Enfin, les branches, je vous dirais, ours polaire, il n'y a pas beaucoup de branches. Parce que c'est déjà assez compliqué quand même, il faut dire, de capturer un tigre ou de capturer les fameux... ours polaires. Les ours polaires, voilà. Donc, pour optimiser les chances, il y a ce constructeur russe, lui, il fait des antennes intégrées. Alors, bien sûr, il y a le système GPS, le système GLONASS et le système GLONASS, Argos. GLONASS, c'est le GPS russe. Hein. Russe et le système Argos. Et nous avons des points toutes les 62-65 secondes. Ah, pas mal. Ouais. Et là, en Russie, il y a de très bons, résultats. Avec ses colliers. En bas à gauche, la tortue. Elle est longue comme ça, ça fait une quinzaine de centimètres, hein, quelque chose comme ça. Balise tortue. Et alors, en bas à droite, c'est les balises Kosparsasa, Sarsat. Voilà, elles étaient là. Mais on voit qu'il n'y a pas de... Comment dire? Que tout ça vit en bonne intelligence, parce qu'on a à la fois les balises Kosparsasa et les balises Argos dans la même vitrine. Vous voyez, donc... Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Oui, oui, et on les trouve également sur les bateaux. Alors, ce qu'on voit là, les deux balises rouges ou oranges sont des balises avions, en fait. Avions. Et la balise jaune derrière, c'est la balise qu'on voit souvent sur les bateaux de course qui est sur le pont arrière, en fait. D'accord, ce que vous appelez la balise jaune, c'est ce que j'appelle moi la balise noire. Elle est jaune, en fait, avec un cache noir sur le dessus. Oui, il y a du noir et du jaune, voilà. Quoi. Il y a effectivement une petite balise derrière qui est une balise portative. Jaune, mais c'est pas celle dont on... Jaune, que peuvent prendre les randonneurs. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est une balise, donc, de randonnée. Oui, j'ai deux questions. Alors, d'une part, je me demandais... Quelle est la résolution, à moins que ça ait été répondu avant que j'arrive, puisque j'étais en retard, comme d'habitude, on va dire. Quelle est la résolution précise? Parce que, par exemple, si on suit les migrations des baleines, des oiseaux qui vont de Norvège en Afrique, etc., il n'y a pas de problème. Mais si vous parliez tout à l'heure de petits oisillons à peine sortis du nid, là, ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir s'ils sont à 1000 km, c'est au mètre près, je suppose. Ou moins que ça. Oui, c'est tout à fait ça, c'est au mètre près. C'est-à-dire que ça peut être 3 mètres. On veut savoir si l'équipe qui suit cette espèce, les outardes d'Arabie, veut savoir à 3 mètres près où est l'oisillon quand il a quitté le nid. Oui, la réponse est oui. Donc la précision, c'est inférieur au mètre dans ce cas-là. Avec le GPS. Il faut que ce soit des balises GPS et Argos. Autrement, Argos tout seul, le système Doppler, c'est beaucoup plus large. Hein. D'accord. Ça peut être jusqu'à 500 mètres. Donc c'est le Argos sert à transmettre le signal essentiellement dans ce cas-là, et c'est le GPS qui donne la mesure elle-même qui doit être transmise. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Et alors justement, pendant qu'on y est, ma deuxième question, c'est à part la position. Est-ce que vous enregistrez éventuellement d'autres choses? Enfin, je suppose que ça dépendrait des demandes des utilisateurs, des naturalistes, etc. Du style, la température du corps de l'animal, le rythme cardiaque ou toute autre donnée du même genre. Hein. Il peut y avoir d'autres capteurs, par exemple des capteurs. Il fallait arriver à l'heure, Michel. C'est quoi ça? Des choses comme ça. Sauf que chaque fois qu'on ajoute un capteur, ça vient ajouter du poids sur la balise. Donc, bien sûr, on voudrait avoir une balise qui transmette le maximum d'informations de toute la biologie ou de l'écologie autour de l'animal. Mais la balise elle-même, on nous demande de plus en plus, et maintenant les gens sont habitués à utiliser des balises légères. Donc, d'autres données vont être corrélées, je dirais. Par exemple, des informations sur les précipitations pluviales ou des informations sur la qualité de la végétation, l'index de végétation, des choses comme ça. C'est des données qui existent, par ailleurs, qui sont distribuées en Europe. Et puis, beaucoup d'utilisateurs vont les juxtaposer. Là, c'est intimiste, ça. Oh là là, quelle nostalgie. Au Qatar, il y a beaucoup de requins, des requins qu'on aimerait endormir, mais voyant qu'ils ont toujours très faim, on se plie en quatre pour les nourrir. On leur donne un joli club de foot, un hôtel de luxe sur l'île Saint-Louis, des avions, des voitures sur les routes, on espère en récolter les fruits. D'autres interventions, peut-être, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous revenir sur la localisation de la balise Argos avec un seul satellite? Comment le satellite localise la balise? Alors on va le faire pour le GPS, qui a 10 mètres de précision, et puis Argos c'est quand même plusieurs centaines de mètres. Oui, alors la localisation faite par Argos utilise un principe qui s'appelle l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler c'est un mot un peu compliqué, mais qu'on connaît tous et qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure. L'effet Doppler, dit en termes un peu savants, c'est la modification de la fréquence émise par un élément quand un autre élément se déplace de manière différentielle par rapport à lui. Donc là, c'est assez incompréhensible. Donc je vais le faire plus simple. C'est la voiture de pompier qui se déplace. Voilà. Voilà, c'était ça. C'est exactement ça. L'ambulance qui passe. C'est l'ambulance qui passe. Quand elle est loin, le son est assez grave. Et quand elle se rapproche, le son devient aigu. Et quand elle s'éloigne, le son redevient plus grave. Donc, ce fait... Voilà. Voilà. Ou la voiture de Formule 1, ou le train, ou plein d'autres choses. Et donc, le satellite mesure la fréquence émise. Il connaît la fréquence émise par la balise. Une fréquence, donc il fait la différence, il reçoit une fréquence et il la date, c'est-à-dire qu'il mesure à quel moment il a reçu cette fréquence. C'est tout à fait ça. Et donc c'est je vous explique d'ailleurs un effet Doppler qu'on n'aime pas d'ailleurs. Donc il mesure la fréquence reçue et il date le moment où il a reçu. Et ensuite, un petit moment plus tard, la balise réémet et le satellite, entre-temps, s'est déplacé. On considère que la balise, elle ne s'est pas déplacée. Le satellite s'est déplacé. Donc, il reçoit une autre fréquence à un autre moment. à partir de là, avec plusieurs positions, à partir de quatre émissions, on est en mesure d'avoir que le système calcule de manière assez précise la position de la balise. Donc en fait, il est capable, le satellite, d'avoir la position de la balise sur un cône. Donc il y a deux points qui touchent la Terre. Et donc par des calculs qu'on appelle les méthodes des moindres carrés ou des méthodes de Kalman. Comment dites-vous ? La méthode quoi ? Les méthodes des moindres carrés. Aussi. Des moindres carrés. Ouais, c'est une méthode mathématique. La méthode des moindres carrés. Par une méthode mathématique, on est capable de dire, sur les deux positions, la position réelle et la position miroir, on connaît quelle est la position réelle pour diverses raisons. Voilà. Et donc on est en mesure de déterminer la position de la balise. C'est à la fois très précis et pas très précis, puisqu'on a le GPS qui fait mieux, le Galiléo qui fait mieux. C'est plusieurs centaines de mètres. Plusieurs centaines de mètres. Donc quand on veut des positions précises, on rajoute un récepteur GPS dans la balise. Et dans ce cas, donc, le récepteur GPS a une position à quelques 10 mètres près. Et l'information est transmise par la balise. Voilà, donc l'effet Doppler. Voilà, l'effet Doppler. L'effet Doppler, l'effet Doppler qu'on n'aime pas, c'est que c'est aussi utilisé par les radars de la police pour mesurer la vitesse. Voilà, c'est ça. Donc la balise émet son identifiant. Et en émettant son identifiant, le satellite est capable de savoir s'il est en train de se rapprocher ou de s'éloigner de la balise en analysant la fréquence à laquelle est transmise le signal. Et puis avec plusieurs points et en faisant des recoupements, au final, on arrive à déduire la position. Quelques centaines de mètres quand même de précision. D'autres interventions peut-être ? Madame. Je vais essayer d'exprimer ce que je veux poser comme question. Parce qu'on dit que les oiseaux migrateurs, ils ont dans le cerveau quelque chose qui les dirige un peu instinctivement par la manière dont ils sont conçus. Enfin, le cerveau de ces animaux-là, je ne sais plus, ce n'est pas du ferromagnétisme, je ne sais plus, il y a quelque chose dedans. Et est-ce que la balise pourrait perturber cette direction qu'ils ont instinctivement ? La balise elle-même ? Oui, la balise, du fait qu'il y a dedans des produits qui pourraient... Encore une fois, c'est les scientifiques qui pourraient répondre, mais je peux répondre par l'exemple d'une étude de mouettes de mer, pour savoir si les mouettes de mer se déplacent avec leur qualité olfactive. Donc, ils ont pris un groupe de mouettes de mer qu'ils ont équipées à partir de la Russie. La moitié du groupe est restée dans son état naturel et l'autre moitié du groupe, on leur a anesthésié la partie qui leur permet de s'orienter. Et en fait, les deux groupes ont pris des directions migratoires différentes, mais ils se sont retrouvés après. Et c'est ça qui est fascinant. Et il y a un papier, si ça vous intéresse. Par contre, je peux vous faire suivre le papier. Le papier est réellement intéressant. Un papier, c'est-à-dire une étude scientifique ? Oui. Oui, c'est ça. Qui a été publié. Donc ça je pourrais vous le communiquer avec plaisir. Donc, je peux vous répondre par cet exemple que je connaisse. Mais après, réellement, il faudrait que les scientifiques répondent à cette question. On pourrait se reporter page 9. Il y a une carte du monde là. Alors ça, c'est une image que j'ai trouvée sur le site internet de CLS. Comment est-ce que vous la commenteriez, Eric Levisuto ? Ça, c'est toutes les balises qu'on voit, non ? Et des balises avec de différents types, en fait. Voilà. Alors ça, c'est toutes les balises à un instant donné. Donc avec une couleur et un logo qui correspond à un type de balise qui est marqué sur le côté. Donc normalement, je devrais arriver à tout lire, mais je ne suis pas sûr. Alors, on ne voit pas tout. Oui, très bien. Voilà. Donc, effectivement, on trouve sur mer, on trouve les animaux marins, les bouées et les bateaux. Alors, attendez, juste une seconde. On voit la balise bleue foncée. Il y a écrit marin. Donc, c'est les balises marines qui vont sous l'eau, je suppose. Peut-être pas. Alors, les balises marines, oui, probablement. Ouais. Oui, parce que je vois ailleurs, il y a marqué des bouées et des flotteurs. Ah non, c'est les flotteurs subsurface, subfloat. Donc le petit triangle jaune, ça, ce sont des flotteurs qui descendent, en fait, qui font des profils de température, de salinité, de mesure de courant sur un profil de 2000 mètres, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Il faut bien se comprendre, c'est ce que vous appelez un flotteur, donc c'est une bouée, oui, c'est une bouée. Mais qui est capable de partir, de couler, de descendre, oui, c'est ça, de couler, de prendre des mesures, voilà, le long de, la, de sa descente. Voilà. Et quand elle remonte au, à la surface, elle envoie ses données au, au satellite, oui, avec exactement. Une balise Argos. Oui, ouais. Exactement. Alors en plus, cette, ce type de bouée... Et donc c'est quoi là? Ce sont les triangles, c'est ça? Oui, c'est les triangles jaunes. Les triangles jaunes. Je pense les subflotteurs. Enfin, sur sub-flotteurs, la carte. Je pense que c'est ça. Apparemment, ça doit voilà. être ça. Et après, il y a les triangles rouges qui sont les bouées ancrées, qui, elles, permettent de mesurer, qui sont en surface, qui permettent de mesurer les courants, qui permettent de mesurer la houle, qui permettent de mesurer la température de surface de l'eau. Elles restent fixes. Oui. Non, et elle contribue notamment au programme de météo mondial. Voilà, après, on trouve toutes les bouées sur, pardon, les, pas les bouées, les balises sur les bateaux. Donc, je profite de faire une petite digression sur les balises qui équipent les bateaux. Donc, une particularité du système Argos, comme la localisation est faite par le système et pas par la balise. Il n'est pas possible de leurrer la balise ou de lui faire croire qu'elle est ailleurs. Ce qui est possible de faire avec un GPS, un récepteur GPS. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un... Il suffit d'avoir une grosse antenne, un gros émetteur à côté. Qui fait semblant d'être un satellite. Qui fait semblant d'être un satellite et qui lui fait croire qu'il est à 100 km plus loin. Donc on s'était rendu compte alors, que, par exemple, Argos est utilisé par les ministères des pêches pour obliger les industriels de la pêche à respecter les réglementations. Voilà, donc ce qui est demandé aux pêcheurs, c'est d'envoyer leur position régulièrement et s'assurer qu'ils sont dans les zones de pêche autorisées. Et donc, ils faisaient ça, évidemment, par GPS. Sauf que les pêcheurs, les gros pêcheurs, peuvent être malins et tricheurs, puisqu'ils équipaient donc, des systèmes de leur GPS. Donc, ils leurraient le GPS à bord. Exprès, et, évidemment. Évidemment, et qui faisaient croire donc aux autorités qu'ils étaient 200 km plus loin, dans des zones autorisées, alors qu'ils étaient dans des zones interdites, et ils se remplissaient la panse du bateau. Gobergeaient. Voilà. Donc le système Argos, en fait, est un système qui bénéficie d'intégrité du signal, donc il ne peut pas être leurré. Il peut être brouillé, mais s'il est brouillé, on s'en rend compte. Ouais. Mais il ne peut pas être leurré. Brouillé, ça veut dire que le signal n'arrive pas jusqu'au satellite. Voilà. Et donc dans ce cas-là... Mais, bon, mais on ne peut pas faire croire qu'on est là ou on n'est pas là. Voilà. Alors, et typiquement, ça a servi. Donc vous savez que la France est le deuxième pays... au monde en termes de zones de pêche grâce à nos territoires et départements d'outre-mer. Et typiquement, on a une zone autour des Kerguelen qui est très très importante en zone de pêche et qui est très riche en zone de pêche, mais qui est à peu près incontrôlable par notre marine. Et donc, grâce au système Argos, on a complètement éradiqué la pêche illégale dans cette zone. Sauf les braconniers, qui eux n'ont même pas de balises qui alors, ne sont même alors, pas officielles, voilà. etc. Je ne sais pas alors, si ça existe. Hein, si, tout à fait. Alors, comment on fait effectivement. Donc, tous les bateaux amis ont des balises et ils les émettent. Les bateaux, on va dire, qui ne sont pas amis... officieux, les bateaux... Voilà, n'ont pas de balises et n'émettent pas. Et dans ce cas-là, comment on fait? Ce n'est pas avec Argos. On complète l'émission, la réception des données par du satellite radar. Donc, le radar passe... au-dessus de la zone concernée, les radars sont capables d'identifier les endroits où il y a des bateaux. Et en fonction du type de radar, il est capable d'identifier la taille du bateau. Et donc, on fait une corrélation, on fait le lien entre, sur la zone observée, les points qui émettent, et donc qui sont équipés de balises Argos, qui ont le droit d'émettre, les points qui n'émettent pas, et ceux qui n'émettent pas, souvent, c'est les tricheurs. C'est les tricheurs, et on peut aller les voir et envoyer des... Et donc là, on peut aller facilement les voir, des bateaux, et donc les bateaux qui étaient, les bateaux de la marine qui sont basés à La Réunion, sont en mesure d'aller assez rapidement attraper ces pêcheurs asiatiques, souvent, et donc on n'en a quasiment plus dans la zone antarctique. Avec ta balise sur le dos, balise sur le dos, balise sur le dos. De ton physique je ne suis plus chaud, zig je ne suis plus chaud, zig je ne suis plus chaud. Comment veux-tu que je te monte dessus, tu que je te monte dessus, tu que je te monte dessus. Ce truc trop gros te cache-le. Oh d'accord, oh d'accord. Et donc la saison se termine, excuse-moi mais... Quelques applaudissements pour Xavier, là, quand même. Quand même, allez. Éric Levisuto, il n'y a pas une annonce qui doit être faite demain au Salon du Bourget concernant Argos? Et est-ce qu'on pourrait avoir une petite avant-première, là, juste pour nous, on dira rien. Alors. La... La réponse est très clairement non. Non quoi? Non, il n'y a pas d'annonce. Mais. Ah bon? Donc demain, le président du CNES va faire une annonce au sujet du futur d'Argos et il ne m'appartient pas de dévoiler des choses avant ce que lui souhaite dire, même si je crois savoir ce qu'il va dire. D'accord. En revanche, je peux vous donner deux, trois éléments. Je peux vous dire ce qu'il va dire? Non, non, absolument pas. Absolument non, c'est pas ça, pardon. Absolument pas. Je peux vous donner deux, trois éléments sur des choses qui ont déjà démarré et sur des réflexions qu'on a et qui, avec un peu de déduction, vous permettront de préfigurer la suite. Ah, ça c'est sympa. On a compris que on va tout savoir. D'accord. Voilà. Donc, non, c'est pour rire. Donc, alors, ouais. Il y a du nouveau là quand même. Alors, il y a du lourd. Jusqu'à présent, donc depuis 78, le CNES a développé quatre générations d'instruments Argos, donc Argos 1, 2, 3, 4, voilà, qui ont tous des performances améliorées en termes de capacité de traitement de données, en termes de disponibilité. Donc tout ça s'est lancé sur des gros satellites. Ce sont des gros satellites, très souvent des satellites météo parce que l'orbite correspond bien et donc ça nous permet de bien vivre avec des capteurs météo. Ce sont des gros satellites qui font 1, 2, 3 tonnes. Bon, les METOP, typiquement. Voilà, font des METOP, les satellites METOP de Météo METOP. Ouais. Satellites, pardon, excusez-moi. Les satellites de Metsat sont des très gros satellites. Et donc, on a jusqu'à présent, jusqu'à cette quatrième génération Argos, on a effectivement des instruments qui font allez, 40 à 50 kilos et 70 watts, ce qui est relativement conséquent. Le marché des satellites évolue de manière très rapide vers ce qu'on appelle les nanosatellites et les caractéristiques des nanosatellites progressent à grande vitesse. Alors, nanosatellite, c'est un petit satellite. Alors, nanosatellite, c'est un petit satellite. C'est un satellite qui fait à lui tout seul quelques dizaines de kilos. De 1 à 2 kilos à quelques dizaines de kilos. Contre une tonne. Là, dans voilà, les... contre une tonne. Alors, ouais. Ça ne fait pas les mêmes choses. Hein. Voilà, sur un satellite qui fait une tonne, on embarque plusieurs instruments. Ah oui. Voilà, sur un satellite qui fera quelques dizaines de kilos, on embarquera un ou deux instruments. Donc le CNES a lancé dans l'industrie française le développement d'une filière de nanosatellites. Donc le CNES cofinance avec un industriel qui s'appelle Nexeia, qui a décidé de développer une filière de nanosatellites pour rentrer en compétition avec les autres pays européens et mondiaux qui développent ces nanosatellites. Donc le lancement a été effectué il y a quelques semaines. Le lancement de quoi? De la filière? Le lancement de la filière, oui, pardon. Oui. Donc le lancement de cette filière, et le premier satellite sera lancé fin 2019. Ah, d'accord. Voilà, donc ça c'est une filière de nanosatellites. Et la mission de ce premier nanosatellite sera une mission Argos. Ah, d'accord. Et donc Argos, et donc on développe une nouvelle génération d'instruments Argos, qui fera quelques kilos et quelques watts. Donc l'instrument fera quelques kilos au lieu de 25, hein, voilà. C'est ça ? Ouais. Il consommera quelques watts, une quinzaine de watts au lieu de 70, et donc sera en mesure de voler sur des nanosatellites. Voilà, donc on est en train de développer cet instrument, et il volera sur le satellite en 2019. D'accord, et c'est ce qu'on voit page... Alors c'est ce qui page est... Page 11. Page 11, voilà. Donc c'est le alors... fameux nanosatellite Angels. Angels, donc, qui évidemment veut dire quelque chose. Donc Angels veut dire Argos Neo, donc c'est la nouvelle génération d'instruments Argos on a Generic and Light Satellite. Pardon. D'accord. Et donc, il alors, a quelle taille là? C'est typiquement le petit satellite qu'on voit là. Alors, dans le monde des nanosatellites, on parle en unité. Oui. Donc un nanosat 1U, une unité, c'est un nanosatellite qui fait 10 cm par 10 cm par 10 cm. Voilà. Donc c'est un certain volume. Voilà. Deux unités, c'est deux fois ce volume. Deux unités, c'est deux fois ça. Voilà. Et donc là, on parle d'un satellite qui fera entre 12 et 16 unités. D'accord. Donc, alors, si on reprend, là, le satellite, c'est une maquette, hein, évidemment. Oui, ça, c'est une maquette à échelle 1. Ah, à l'échelle 1 quand même. Oui, donc ça fait à peu près 20 cm de côté sur 40 à 60 cm d'accord. de profondeur. Alors, on va en lancer combien des satellites alors, comme là, il est prévu d'en lancer un puisque c'est un démonstrateur. Oui. Mais donc, Nexeia développe la filière et donc, derrière, envisage d'avoir toute une chaîne de fabrication pour en lancer un grand nombre. Des dizaines. Vous savez combien? Vous Non, je sais pas. Vous allez apprendre demain. Non plus, parce que ça, c'est l'industriel qui va décider D'accord. combien il en vend. Donc, on va en avoir plusieurs dizaines quand même. L'intérêt pour le système ou pour l'utilisateur, c'est quoi? Alors, c'est qu'il y aura plus de satellites, évidemment, dans le ciel. De notre côté, tout à l'heure, on a parlé de la disponibilité des données qui varie entre 30 minutes et 2 heures. Voilà. Et donc, les utilisateurs, Aline l'a très bien expliqué tout à l'heure, les utilisateurs ont besoin d'avoir des données et des informations sur les déplacements, les zones d'habitat des animaux. Et donc, ça, c'est des informations très, très, très, très régulières et des fréquences très courtes. Donc, ils ont besoin d'avoir des informations, non plus toutes les 2 heures, mais toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Et donc, pour faire ça, les lois de la physique disent qu'il faut plus de satellites. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut plus de satellites. Ouais. Et on est en train de développer une filière de satellites beaucoup plus petits. Donc, on va avoir beaucoup plus de satellites pour améliorer encore le système. D'autres interventions? Moi, j'ai quand même une question assez fondamentale à vous poser, peut-être à vous, Aline Duplat, mais aussi à vous, Éric Luisuto. C'est, on a l'impression que... Enfin, je me demande si cette biodiversité sauvage, elle est... toujours aussi sauvage si on l'équipe de tas d'appareils comme ça pour savoir exactement où elle est. Il y a du mystère en moins. On va de plus en plus vers une nature qu'on est capable de suivre, de connaître, de programmer. Alors, oui, mais on a tous envie de connaître tout sur tout. Il y a l'exemple de la grue, je crois que c'est la grue cendrée du Japon, je ne suis pas spécialiste des espèces, mais c'est la grue du Japon, dont on savait qu'elle était au Japon, qu'elle partait migrer quelque part et on ne savait pas où, et elle se reproduisait et on ne savait pas où. Donc le fait de l'équiper de balises Argos a permis de se rendre compte qu'en fait, elle allait nidifier dans la zone, on va dire, démilitarisée entre les deux Corées. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc ça, c'est une zone où elle a bien compris que là, elle serait tranquille. Et donc, les scientifiques ont découvert qu'effectivement, la grue du Japon avait bien compris que là, elle pouvait se reproduire tranquillement sans déranger personne. Donc, effectivement, c'est une information. Elle a voulu le cacher à ses prédateurs. Et en même temps, les scientifiques le savent et puis ça n'a pas d'impact... et donc ça permet, je pense, de mieux comprendre la vie et les mouvements, les déplacements des animaux, et aussi mieux comprendre notre planète. Je crois que la base d'Argos au départ, c'est vraiment un système qui est tourné vers l'environnement, c'est mieux comprendre notre planète pour mieux la préserver. Et la logique d'Argos reste ça encore 30 ans après. J'ai l'impression quand même que ça change notre rapport à la nature, le fait d'instrumenter comme ça les animaux, ça change des choses, quoi. Il faut en être conscient. Mais à la limite, on peut se demander si cette nature n'est pas en train de devenir un grand zoo, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable de tout paramétrer, de tout connaître, une sorte de zoo à ciel ouvert. On va délimiter des zones où on va les protéger. On sait où ils iront. On pourra les suivre. S'ils vont pas au bon endroit, on pourra faire je ne sais pas quoi, développer les contre-mesures pour qu'ils aillent au bon endroit. On pourra retarder les migrations pour peut-être les protéger un jour. Enfin, vous voyez, c'est une nature paramétrée, quoi, vers laquelle on va... Mais voilà, c'est peut-être le courant naturel de l'évolution, mais il faut se rendre compte quand même. Alors, je ne sais pas répondre là-dessus, mais effectivement, on parle beaucoup d'Internet des objets, de machine to machine. Donc, avoir des milliards d'objets, nous, on a à Toulouse une société qui est un leader mondial du secteur qui s'appelle Sigfox, qui développe des petites balises en mesure donc, d'être embarquées sur tout un tas d'objets. Les balises Argos... Argos, c'est un système qu'on appelle machine to machine. On ne l'appelait pas comme ça il y a 30 ans parce que le terme n'existait pas, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que fait Argos. C'est-à-dire qu'Argos transmet automatiquement des informations d'une machine qui est montée sur un oiseau ou sur une bouée vers une machine qui est un calculateur. Donc on peut imaginer dans l'avenir, avec la réduction des coûts, qu'on pourra équiper effectivement plus d'animaux, plus de bouées. Et donc si on équipe plus de bouées, on connaîtra mieux le fonctionnement des océans. Voilà, D'autres interventions avant qu'on ne se quitte, peut-être? Eh bien, voilà. Je voulais savoir si la récolte, justement, de toutes ces données scientifiques est bien maîtrisée et quelles utilisations de ces données peut-on faire comme utilisation météorologique, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais au-delà de ça, je regarde peut-être trop de films, mais à des fins peut-être politiques, voire militaires. Il faut savoir que les données ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'elles appartiennent à celui qui a fait la demande d'utiliser Argos pour des fins environnementales dans le suivi des animaux. Pour ça, il doit avoir l'accord du CNES, de Metsat et de la NOAA. Bien. Donc, lui, il va travailler ses données de manière sécurisée, de manière très confidentielle. La meilleure preuve, c'est que les scientifiques sont soumis aussi à une certaine concurrence. Et pour eux, leur défi, c'est d'avoir un bon papier publié. Ils doivent publier leur papier. D'accord ? Donc, avant de publier leur papier, leurs données sont, de ce que je sais, assez manipulées de manière confidentielle, même très confidentielle. Une fois que les publications ont été faites, par exemple, pour rejoindre votre question sur les mouettes de mer dont l'étude a été faite pour voir comment ils utilisaient leurs facultés olfactives, là, après, oui, les informations sont publiques. Elles sont publiques. Elles sont utilisées par la science. Il y a d'ailleurs des bases de données qui existent. Nous, Argos, chez Argos, nous avons un système qui s'appelle Argos System, où les utilisateurs vont chercher quotidiennement leurs données à Argos. Bien. Il y a aussi des systèmes comme SeaTurtle.org, qui sont des scientifiques qui ont créé une base de données pour les tortues. Seulement, les données sur les tortues sont, disponibles. Mais vous ne pouvez pas y avoir accès, parce que ce sont les scientifiques eux-mêmes qui vont les utiliser. Voilà. Il y a un système européen qui s'appelle OBIS. Il y a plusieurs systèmes. Il y en a un qui s'appelle MoveBank aussi, qui a été créé par les Allemands. Alors, eux, au lieu de mettre de l'argent dans une banque, ils mettent des données animaux. Vous voyez ? Et donc, le système Argos, les données Argos sont tout à fait gérables sur ce système-là, qui s'appelle MoveBank, movebank.org. Vous pouvez regarder sur le site. Et là, il y a deux options. Ou les données sont confidentielles et vous devez avoir l'autorisation de son propriétaire pour y avoir accès, ou le propriétaire peut dire, moi, je ne partage mes données que avec des gens qui travaillent sur la même espèce que moi. Ça, c'est intéressant. Imaginez que quelqu'un fasse une thèse sur une espèce particulière dans un continent et qu'il veuille travailler sur le même animal dans un autre continent, il peut le faire grâce à ce système. Ou tout simplement, le scientifique décide qu'après la publication, maintenant ces données peuvent être publiées utiles à des gens, voilà. Et donc il va les publier. Une partie de votre question concerne une utilisation politique ou militaire. Politique. Tu as une petite idée ? Eric Levisuto, c'est pour vous. Non, utilisation militaire. Tu as bien dit. Les données sont cryptées, donc elles sont utilisés que par les scientifiques qui l'utilisent et qui sont, une fois qu'effectivement ils ont démontré leur thèse scientifique, ravis de les partager. Les données scientifiques, les données océanographiques sont de suite mises dans le système d'océanographie mondiale. Il y a la partie, donc on a parlé de la partie pêche, effectivement là il y a une notion d'intégrité du signal qui est importante, mais encore une fois les données sont publiques. J'ai pas d'idée, je sais pas, j'ai pas d'exemple particulier d'utilisation politique des balises. Dans le cadre éventuellement d'une prévention justement sur le plan environnemental, de pollution, de choses comme ça, est-ce que les données scientifiques récoltées peuvent être utiles ? Des balises pour le pétrole, demande mademoiselle. Alors, oui, il y a effectivement il y a des balises qui sont sur des bouées. Quand il y a des nappes de pétrole qui sont produites par des tankers, effectivement, on largue des bouées pour voir l'évolution de la nappe. Voilà, savoir exactement où elle va. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle dérive, oui, parce qu'elle dérive. Avec la nappe. Ces bouées dérivent avec la nappe. On peut faire une corrélation avec les animaux, c'est-à-dire dans des zones où les tankers font la queue en attendant de faire remplir leur cuve de pétrole, il y a quand même pas mal de pétrole qui s'écoule. Hein. Ce n'est pas une, on va dire, ce n'est pas une pollution accidentelle, c'est une pollution chronique sur la mer. Toutefois, une nappe, quelquefois, elle peut faire 10 km de long. Donc, dans ce cas-là, comme vient de dire Eric, on peut l'observer avec les technologies radar et on peut aussi, avec Argos, avoir des données sur des colonies d'animaux qui vont vivre sur la côte. Et en fonction du puisqu'on peut faire un calcul de dérive de la nappe, on peut envoyer une alerte sur la côte, envoyer une alerte au niveau des branches du ministère de l'Environnement pour dire, dans un certain nombre d'heures, il y a de très fortes chances pour que cette nappe rejoigne la côte. Ça nous est arrivé une fois, c'était sur les côtes de la Manche, en France, et c'était une période où il y avait des oiseaux de mer qui se reproduisaient. Ah oui. Et il y avait eu des actions qui avaient été prises. Ah oui. J'ai travaillé sur un projet européen là-dessus. D'accord. Avec des partenaires en mer du Nord. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux marins en mer du Nord, très sensibles aux problèmes de pollution pétrolière. Ça, c'est sûr. Oui, la réponse est oui. Alors, c'est le dernier mardi de l'espace de la saison. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on repart pour une nouvelle saison. C'est la combientième d'ailleurs, Marie-Claude ? Ce sera la huitième. Ce sera la huitième saison, des Mardis de l'Espace. Et évidemment, ça continue parce qu'il y a eu un succès cette année absolument énorme. On a eu ici 150 personnes. Enfin, il y a eu des moments où c'était autour de 150 personnes. Hein. Et donc, on a fait une grande nouvelle, une grande première, c'est qu'on a commencé à ouvrir les salles du bas, à mettre des haut-parleurs en bas, un micro en bas, je descends, je passe le micro aux gens en bas aussi, parce que sinon, on est obligé de refuser du monde. Les gens viennent et puis on est obligé de leur dire bah, « rentrez chez vous ». Donc, ça ne se fait pas. Alors voilà, donc c'était vraiment une très très belle saison qu'on a eue cette année. Et donc l'année prochaine, on va notamment parler de Cassini. Vous savez, c'est cette sonde qui tourne autour de Saturne et c'est la fin de la mission, donc on va faire un petit bilan. On va parler de Galileo, donc le GPS européen qui est en train de se déployer parfaitement bien. Tous les services vont être offerts et donc on va faire de quoi il retourne. Microscope, une mission tout à fait étonnante, purement CNES, hein, celle-là, si je ne me trompe pas. Pardon ? Avec le NERA. Oui, CNES avec le NERA. Et on va voir les premiers résultats. Pour le dire vite, Microscope essaye de tester la relativité d'Einstein. Hein, voilà. Donc, si Microscope a des résultats intéressants, on va le savoir ce jour-là. Ça va être pas mal. Étienne Klein, grand physicien, très célèbre, sera avec nous pour parler d'éthique en février. On va parler de CSO, c'est un satellite d'observation en mars. C'est un satellite d'observation militaire. On va parler donc avec le général de Roquefeuille qui sera avec nous, qui est un habitué des Mardis de l'Espace. On va parler aussi des satellites Sentinel en avril, des lances. Et puis on va finir sur le futur. Une grande période de prospective avec les lanceurs du futur le 15 mai et les stations spatiales du futur le 19 juin. Donc encore une très très belle saison. Alors il y a aujourd'hui, maintenant il y a deux artisans de cette saison-là. Il faut les remercier s'il vous plaît. C'est Jean-Gabriel Parly et Marie-Claude Siron. Est-ce qu'on peut les remercier ? Ils sont là tous les deux. Alors Jean-Gabriel, c'est lui hein, qui est là, qui est à la manœuvre. Et puis Marie-Claude, c'est toi qui as lancé ces Mardis de l'Espace. Tu passes la main là, Marie-Claude. Avec plaisir. Donc c'était la septième année. Et puis on a fait une jonction avec Jean-Gabriel. J'avais fait le programme. Jean-Gabriel a assuré toute l'année. Et puis il part tout seul. Il a fait le programme et il assurera les soirées. Voilà. Donc je suis très contente que ça marche très bien. Alors, il part tout seul, mais il a sa balise Argos, donc on saura toujours où il est, il sera avec nous. Je voulais remercier Marie-Claude pour le beau cadeau qu'elle m'a fait, parce que c'est vraiment un bel événement qu'elle a créé. Le succès en témoigne, et puis on a eu vraiment des intervenants fabuleux cette année. C'était une belle réussite, et c'est grâce à elle, c'est une belle idée qu'elle a eue. Ouais, super, bravo, merci Marie-Claude. On peut l'applaudir encore une fois, Marie-Claude. Alors, on a quelque chose pour toi, Marie-Claude. Voilà, on sait que tu es. On nous a dit que tu étais gourmande. Alors voilà, tu as toute l'équipe, c'est t'offre. Ça a la forme d'une bouteille. Exactement, c'est exactement. C'en est une. Alors vous avez compris qu'on a quand même eu deux grandes nouvelles cette année. D'une part, c'est que le coût des balises Argos va probablement être divisé par 10 grâce à cette initiative du CNES et puis de la Belgique. On va aussi avoir des balises Argos sur des nanosatellites, donc un programme, un système qui va être déployé, qui prend encore plus d'essor. Tout ça, c'est évidemment pour protéger, notamment, il y a plein d'applications, mais notamment pour protéger la biodiversité. La biodiversité vous remercie infiniment, Éric Louvissuto et puis Aline Duplat. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.